Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc sur les chemins de la philosophie qui, toute cette semaine, comme je l'ai dit, n'oublie pas l'oubli. Il le pense, l'interroge, le cajole ou s'en console, le célèbre ou s'en méfie. Car oublier, c'est à la fois se libérer et se débarrasser, faire place nette ou tabula rasa pour l'avenir, mais parfois aussi au prix des souvenirs. Alors, comment donc oublier sans ne rien effacer? Comment se faire pardonner sans faire tout disparaître? I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. Bonjour Olivier Abel. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie éthique à l'Institut protestant de théologie à la faculté de Montpellier. Vous êtes aussi créateur du fonds Ricoeur. Vous avez dirigé à propos du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le pardon, l'ouvrage collectif, Le pardon, briser la dette et l'oubli, que l'on trouve aux éditions Autrement. On vient d'entendre la chanson de Brenda Lee, I'm sorry, et quand elle chante, qu'elle est désolée, quand elle demande pardon comme ça, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut tout effacer, faire tout oublier du passé? Peut-être, oui. C'est vrai qu'il y a ce rapport du pardon à, je dirais, au tourner la page. On change, on voudrait tourner la page. Mais le mot pardon a plein de significations très diverses. Parfois, on dit pardon, c'est une manière de dire poussez-vous, simplement. Oui, dans le métro, dans oui. Les transports. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des significations du pardon extrêmement, extrêmement diverses. Il y a une manière de traiter le pardon comme quelque chose de très, très religieux, de très sublime, de très exceptionnel, de très extraordinaire, on va dire, qui arrive parfois, mais c'est un peu miraculeux d'une certaine manière. Mais il y a aussi un pardon tout à fait ordinaire, tout à fait quotidien. On dit merci, pardon, oui, non. Enfin bon, voilà. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à ce pardon tout à fait ordinaire, de base. Voilà. Et qu'est-ce qu'on demande quand on demande pardon? Est-ce qu'on demande un oubli de la faute commise? On demande un effacement de ce passé pur et simple? Ou est-ce qu'on demande de pouvoir continuer à vivre avec cette faute commise? Eh ben, je pense que le pardon, là où on le prend un peu le mot au sérieux, hein, bon, parce qu'il y a en effet un pardon, je dirais quotidien, qui est aussi une manière tout le temps de ne pas s'accrocher, de laisser passer, on va dire, de laisser passer, voilà, exactement. Mais il y a aussi un pardon qui est une manière, au contraire, de rompre. C'était le titre, en effet, du livre aux éditions Autrement en 91. L'idée, c'était vraiment que le pardon est une parole d'abord. C'est pas juste, on laisse faire l'effacement, on laisse faire l'usure du temps. Hein. Yankelevitch protestait beaucoup dans son livre, son très beau livre sur le pardon, contre le pardon usure, le pardon effacement. Et non, le pardon, c'est une parole, et donc c'est une parole qui rompt avec le silence, qui demande une levée de la mémoire, justement, une levée de la parole. Qui va dire ce qui s'est passé, qui va, je dirais, protester contre ce qui s'est passé, qui va se plaindre de ce qui s'est passé, ou qui va revenir sur ce qui s'est passé pour formuler, le regret, le remords de ce qui s'est passé. Hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que le pardon, c'est un mot très équivoque, parce que ça veut dire en même temps le pardon qu'on demande et le pardon que l'on donne, que l'on accorde. C'est deux choses évidemment très différentes. Donc quand on dit « je te pardonne » ou « je demande pardon », je ne demande pas. Peut-être pas finalement à ce que la faute soit oubliée, mais non, au contraire, à ce qu'elle soit formulée, mise en avant, remémorée. C'est ça, je dirais même qu'on puisse revoir ensemble le passé, qu'on puisse le revisiter ensemble. Le réécrire. Presque réécrire, le remanier ensemble, le réinterpréter. Voilà, le pardon c'est une sorte de réinterprétation du passé que je fais avec l'autre. Et contre l'oubli. Contre l'oubli. Et donc je dirais presque que c'est plutôt un travail d'hospitalité à la mémoire de l'autre. En demandant pardon, je demande hospitalité dans la mémoire de l'autre et j'accorde hospitalité à la mémoire de l'autre. À la mémoire pour lui du tort, de la douleur, etc. Et c'est ça le travail du pardon. Vous avez fait un éloge de l'oubli dans un article paru à la fin des années 90 dans la revue Esprit, que l'on peut trouver sur votre site. Vous faites donc un éloge de l'oubli, vous dites avoir rencontré la question de l'oubli en travaillant d'abord celle du pardon. Nous, on fait l'inverse cette semaine au chemin. On fait d'abord une semaine sur l'oubli et c'est en travaillant la question de l'oubli que l'on tombe sur celle du pardon. Alors, quel est le lien entre ces deux termes et comment, à partir de là, peut-on faire un éloge de l'oubli si le pardon n'est pas forcément quelque chose qui se fait pour oublier, mais contre cet oubli? Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs significations de l'oubli. Alors, il y a un oubli d'usure, on va dire, tout s'efface, tout se perd. C'était Kundera qui disait rien ne sera pardonné, mais tout sera oublié. C'est une phrase terrible, terrible. Il y a cet oubli-là. Il y a un oubli, un deuxième type d'oubli. Là, je m'appuie sur les distinctions que propose Ricoeur dans La mémoire, l'histoire de l'oubli. Il y a un deuxième type d'oubli qui est l'oubli, l'oubli refoulement. On refoule quelque chose qui est douloureux. Plus psychanalytique. Voilà, c'est vraiment là où on rencontre Freud. Bon. Et puis, il y a un oubli, plus profond encore, qui est, un oubli vital, qui est plus nietzschéen. Et ça, cet oubli, ce thème-là de l'oubli, pour moi, il est vraiment très, très profond, très ancien. Depuis très longtemps, j'ai ce regard extrêmement bienveillant sur l'oubli. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas très bien quand je lisais Heidegger ou Husserl. On reproche toujours à l'oubli. C'est comme s'il fallait toujours se souvenir. Oui, Heidegger, c'est l'oubli de l'être. Voilà, l'oubli de l'être. Alors que je pense qu'au contraire, l'être, il est là dans l'oubli, justement. Il faut qu'il soit oublié, il faut qu'il soit derrière nous. Si on le met toujours devant nous, d'une certaine manière, il faut l'oubli. Il y a un oubli fondamental, un oubli de réserve, un oubli heureux, un oubli de ressources, on va dire, sur lesquelles nous sommes appuyés et qui, je dirais, fait partie de notre corps. Notre corps est rempli de choses oubliées, mais qui sont là et qui nous rendent. Si je peux parler avec vous en ce moment, c'est parce que j'ai oublié que j'avais appris à parler et c'est déjà complètement acquis, c'est oublié, c'est là, je peux m'appuyer dessus. C'est une sorte d'oubli réserve, on va dire. Hein, c'est même pas une mémoire parce que je n'ai pas le souvenir. Vous voyez, bon. Donc ça, c'est très positif. Non, j'ai rencontré le pardon sur une toute autre question, beaucoup plus politique. C'était au moment de l'affaire Touvier, on a oublié, c'était quelqu'un qui avait contribué à des rafles de juifs pendant la guerre et qui était dans un monastère. Et dans ce monastère, d'une certaine manière, le prieur du monastère a justifié le fait qu'il avait été abrité dans ce monastère à l'abri des poursuites judiciaires parce que justement il avait été pardonné. Et alors justement, ça c'était toute la question, je dirais beaucoup plus générale. Hein, c'est pas seulement l'Église catholique, c'est vrai cette culture du pardon, cette culture dont parlait Jacques Derrida nous pouvons pardonner. Hein, bon, nous pouvons pardonner, oui, mais il faut quand même que justice. Il faut distinguer la scène du pardon et la scène de la justice. Ce sont deux scènes très différentes. Et donc, j'avais fait une protestation dans le Monde. C'était en 89, j'ai oublié 88, 90, pour dire ah ben non, on peut pas le pardon présuppose la justice. Le pardon ne peut pas court-circuiter la justice. Et c'est à cette occasion-là que j'avais fait quelques réflexions sur les conditions du pardon. Et c'est à ce moment-là que les éditions Autrement m'avaient approché pour dire, bah, tiens, si vous pouviez diriger ce volume de la collection Morale, voilà. C'était... Et c'est après que l'on a rencontré des textes sur le pardon de Derrida, oui. De Ricoeur. Quand je suis, par exemple, allé voir Ricoeur en disant, ah, je prépare un ouvrage sur le pardon, est-ce que ce serait possible de donner une contribution à ce volume? Et moi, vous me dites, non, je suis vraiment pas, j'ai pas du tout travaillé cette question-là. Donc après, il m'a bien rattrapé, si je puis dire. Il a fait des travaux magnifiques. Et Derrida aussi. Enfin, moi, il y avait nombreux. Hein. J'ai même eu des réponses. Je me rappelle Régis Debray qui m'avait dit oh, « Tu sais, c'est complètement en dehors de mon écosystème. » Voilà, bon. Et, vous savez, parce que le pardon, à ce moment-là, mais c'est toujours le cas, était perçu comme un thème trop religieux, je dirais. Je pense trop religieux. Alors qu'il est peut-être devenu beaucoup plus courant aujourd'hui, oui. Je vous propose d'écouter une archive suivie d'un texte de Ricoeur, justement sur le pardon. Je vous décrirai juste après de quelle archive il s'agit et de quel texte de Ricoeur il s'agit. Je vous propose d'abord de les écouter. C'est une jeune femme, Irene Villa, qui a été victime en 1991 d'un attentat de l'ETA. Elle était âgée de 12 ans. Elle a perdu ses deux jambes. Sa mère, qui était avec elle, a perdu un bras et un pied. Sa mère rentre dans la chambre de l'hôpital et lui dit « Irene, nous avons maintenant deux options. Nous ancrer dans ce qui nous est arrivé et gâcher le reste de notre vie ou pardonner. » Et on lui dit « Mais est-ce que vous avez réellement pardonné ?» les terroristes responsables ? Et elle répond : oui, complètement. Pardonner, c'est rompre le lien avec celui qui t'a fait du mal. Sinon, tu restes lié à lui. Si tu pardonnes, tu te libères de cette personne pour toujours. Le lien disparaît et tu es libre, totalement libre. La question du pardon porte sur une autre énigme que celle de la représentation présente d'une chose absente, marquée du sceau de l'antérieur. Elle est double. C'est d'une part l'énigme d'une faute qui paralyserait la puissance d'agir de cet homme capable que nous sommes. Et c'est en réplique celle de l'éventuelle levée de cette incapacité existentielle que désigne le terme de pardon. Cette double énigme traverse de biais celle de la représentation du passé, dès lors que les effets de la faute et ceux du pardon recroisent toutes les opérations constitutives de la mémoire et de l'histoire et mettent sur l'oubli une marque particulière. Le pardon, s'il a un sens et s'il existe, constitue l'horizon commun de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'oubli toute cette semaine et aujourd'hui d'oubli et de pardon en votre compagnie, Olivier Abel. Nous venons d'entendre, interprété par la comédienne Hélène Losseur, un extrait du texte de Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire et l'oubli, paru en l'an 2000, tout ça, tout simplement. Puis juste avant, on avait entendu un extrait, c'était la voix de Pierrette Poncella, extrait de la série documentaire diffusée sur France Culture en novembre 2017, qui racontait cette expérience d'une victime d'attentat, de deux victimes d'attentat, qui ont pardonné pour se libérer du lien avec le coupable. Et c'est exactement ce que l'on a entendu dans ce texte de Paul Ricoeur, c'est que le pardon permet de lever cette incapacité existentielle de l'action. C'est ça. Ah oui, le lien est très très fort entre les deux textes. C'est vraiment très bien trouvé. En fait, là, on a affaire à un pardon qui est encore autre chose. Je pense que c'est pas un pardon sublime. C'est pas un pardon. Il faut pas le confondre avec ça. C'est pas non plus du tout, bien sûr, un pardon conditionnel. Parce que le pardon moral, le pardon pragmatique, c'est un pardon qui demande. Il y a un certain nombre de conditions. On ne peut pas pardonner si on ne peut pas punir. On ne peut pas pardonner si on n'a pas eu une recherche de réparation. On ne peut pas pardonner à celui qui ne reconnaît pas son tort. Tandis que là, c'est un pardon que cette victime fait pour elle-même, pour se délivrer du passé. Donc, c'est plutôt, je dirais, un pardon anthropologique, je dirais, nécessaire pour vivre. Et ça existe à l'échelle du psychisme individuel, ça existe aussi à l'échelle, je dirais, de la paix sociale. On a besoin pour la paix sociale, parfois, justement, de ces mouvements, de ces grandes scènes de réconciliation, qui ne sont pas des manières, je dirais, qui ne répondent pas à toutes les aux conditions politiques. C'est juste qu'on en a besoin juste pour survivre ensemble après des traumatismes, des violences effrayantes. Bon, ça, on pourra parler parce que ça pose beaucoup de problèmes. Dans ce texte qui a été lu magnifiquement, le lien, je vois, je dirais, est le suivant, c'est que le problème avec le malheur, c'est que le coupable, d'ailleurs, adhère à son malheur. Il s'enfonce dans le malheur, dans le mal qu'il a fait. Il adhère complètement au mal qu'il a fait. Et la victime aussi. Elle va, en sorte, identifier son, elle va, c'est ça l'horreur dans le malheur, c'est qu'on va identifier son existence au malheur. Et donc, la parole de la mère qui dit, voilà, est-ce qu'on reste là-dedans ou est-ce qu'on essaye de rompre avec ça? Est-ce qu'on essaye de se délier de ça? C'est extrêmement fort parce que justement, le pardon, c'est délier le sujet de ce qu'il a subi, mais est-ce que c'est possible? Et délier le sujet, l'acteur, de ce qu'il a agi, de ce qu'il a fait. Est-ce que c'est possible? Mais ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est magique, est-ce que c'est le pardon? Possible, voilà, c'est ça. Et Alain Badiou disait à Ricoeur, mais ça, c'est un présupposé chrétien, croire que le sujet vaut plus que ses actes, d'une manière, que le sujet peut être détaché de ses actes. Oui, c'est ça. La question aussi que pose cette définition du pardon en lien avec l'oubli, c'est qu'est-ce qui est oublié dans le pardon, oui. Et est-ce que c'est oublié magiquement? C'est-à-dire, est-ce qu'on oublie la faute commise? Oui. Est-ce qu'on oublie une partie de l'histoire du coupable qui a commis cet acte-là? On l'efface? place, mmh. ou est-ce que on se dit que finalement cet acte-là restera ancré à jamais à cause du pardon aussi. Finalement, qu'est-ce qui est oublié? Est-ce que c'est oublié? Et est-ce que cet oubli arrive comme par magie à partir du moment où je dis je te pardonne? Non, justement, c'est au contraire. Je pense que le pardon, au contraire, permet de se souvenir. Je pense qu'au contraire, d'une certaine manière, le problème, le malheur, ou même, je dirais, ce qu'il y a de maladif dedans, c'est qu'on n'arrive ni à se souvenir, ni à oublier. On n'arrive même pas à se souvenir tellement c'est douloureux, on n'arrive pas à oublier non plus. Et justement, le pardon, en ce sens-là, ça serait un pardon qui nous rendrait capable en même temps, et d'oublier, mais et de nous souvenir. C'est-à-dire de faire ce travail, ce déplacement par lequel je peux me réapproprier mon passé pleinement. Mais justement, je peux me le réapproprier parce que je peux aussi m'en détacher. Et je peux m'en détacher parce que je peux me le réapproprier. Il y a les deux vont ensemble. Et ça, je pense que c'est absolument c'est fondamental. Mais ça n'a rien de magique. Ça n'a rien de magique. Ça arrive. Ça arrive. Il faut un certain nombre de conditions. Justement, c'est pas magique. Il y a des. Justement. Enfin, j'aime beaucoup la scène finale de la tempête de Shakespeare où Prospero, qui est un magicien, qui a fait venir tous ceux qui étaient les coupables de son malheur dans cette île enchantée. Bon, et bien à la fin, il dit je renonce à mes pouvoirs magiques. Parce que il ne peut pas y avoir de réconciliation si la réconciliation est opérée par une sorte de magie dans laquelle je manipule tous les autres comme des pantins. Il faut qu'ils soient libres. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est l'aveu que je dépends de toi. J'ose une parole, je risque une parole, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Ça, je ne suis plus un magicien, ça dépend de toi. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. Et donc, voilà, je ne suis plus magicien. C'est à ce moment-là que le pardon peut éventuellement arriver. Mais sans aucune obligation. Rien ne peut forcer qui que ce soit à pardonner. Quelles sont les conditions du pardon si on ne peut pas forcer quelqu'un à pardonner? Il y a quand même des conditions, des circonstances qui permettent ce pardon. Il y a des circonstances qui favorisent certainement, qui ne sont pas, c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on a coché toutes les conditions que du coup, j'ai coché toutes les conditions. Donc ça y est, la faute est oubliée on peut passer à autre chose. Oui, non, justement. Mais disons que ça manifeste, ce sont des traits qui manifestent que je fais tout ce que je peux pour me faire pardonner. C'est justement, par exemple, d'exprimer d'une manière ou d'une autre combien je mesure le tort que j'ai fait et son caractère irréparable. Et que donc j'essaye de réparer, mais je vois bien que je peux pas réparer, par exemple. Bon, ça c'est des formes de conditions. Jan Kelevich a montré que justement il n'y avait pas eu ça du tout, que c'était des conditions qui ne sont souvent pas réunies. Ou bien il faut que l'autre reconnaisse son tort. On ne peut pas pardonner à soi-même. Personne ne peut pardonner à ma place. Personne ne peut demander pardon à ma place non plus. Comment ça on ne peut pas se pardonner à soi-même? Oui, c'est une remarque de Hannah Arendt très importante. C'est-à-dire en fait pour se pardonner à soi-même, Levinas aussi travaille sur cette question de manière superbe. En fait, pour se pardonner à soi-même, il faudrait pouvoir vraiment se voir soi-même autrement. Il faudrait vraiment pouvoir soi-même, je dirais, se tourner la page. Mais en fait, c'est pas si facile que ça, justement, parce qu'on est nous sommes enfermés. C'est ça. Le pardon peut plutôt avoir au tragique qu'au magique, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est enfermé dans son point de vue, on est enfermé dans sa mémoire, et donc il faut un autre pour délivrer notre mémoire. Et notre mémoire, elle est délivrée de l'extérieur, d'ailleurs, comme dans la psychanalyse, d'une certaine manière, mais aussi dans la conversation, dans l'échange, dans ce que j'appelais tout à l'heure l'hospitalité des mémoires. Donc, ma mémoire, elle va être délivrée de l'extérieur. Elle a besoin de cet autre. Et donc, c'est l'autre qui peut me voir autrement. Moi, je ne peux pas me voir autrement, si facilement. Et on ne peut pas s'oublier soi-même, alors. Est-ce qu'on peut, par exemple, on ne peut pas se pardonner, mais est-ce qu'on peut oublier les fautes commises? Oui, mais c'est à ce moment-là, c'est soit de l'usure, soit du refoulement. C'est-à-dire, je les refoule, je les repousse. Pour en être réellement délivré, ça demande justement ce travail mutuel, je dirais, on peut pas échanger les mémoires d'une certaine manière, mais on peut en les partageant, on peut se mettre à bouger, on peut se déplacer ensemble pour revoir ensemble le passé. Et c'est quand même ce travail-là, on peut élargir sa mémoire, on peut la réélargir. On est dans une mémoire au départ très bloquée, très étroite. On peut élargir sa mémoire. Le pardon, dirais-je presque cynique, le pardon scandaleux, n'est-ce pas? Le pardon, non sans pas raison. Malgré l'injure, mais à cause de l'injure, parce que vous êtes un criminel, eh bien c'est le paradoxe chrétien. Alors, vous pouvez, ça peut vous faire crier, ça ferait crier des auditeurs, qui sont beaucoup plus chrétiens que moi d'ailleurs. C'est pourquoi je m'explique pas leur violence. Eux, ils ont été élevés dans la religion chrétienne, et ils comprennent même pas leur religion. Moi, personnellement, j'ai pas été élevé dans cette religion-là, et pourtant, je comprends, j'apprécie, j'entre parfaitement dans ce paradoxe, dans ce scandale, comme disait Kierkegaard, ce paradoxe pascalien également, du pardon. À cause de l'offense, et non pas malgré elle. À cause du crime, et non pas malgré... Si c'est malgré le crime, il y a une réticence. Je vous pardonne d'être que vous soyez un criminel et un sauvage. C'est bien, c'est mieux que de me couper la tête. Mais si c'est malgré, il y a une réticence, il y a une arrière-pensée. Je suis un criminel, vous m'avez pas entièrement pardonné. Alors le chrétien pardonne parce que vous êtes le criminel, parce que vous n'êtes qu'un pauvre homme. Parce que nous sommes tous des pauvres hommes, des pauvres gens, n'est-ce pas, qui sont dignes de pitié. Olivier Abel, vous avez reconnu cette voix, vous ne l'avez pas oubliée. C'est Yankelevitch. Exactement. Ouais. C'était en 1978. Mmh. C'est une archive. Ah ben c'est exactement les années où je suivais ces cours, des cours sur le silence, je me rappelle. Un cours à la Sorbonne. Là, on est dans le contraire du silence. On a la parole éloquente, enlevée, enthousiaste et en même temps assez, on va dire. On va entendre tout à l'heure un texte de Yankelevitch où il va être beaucoup plus révolté, mais déjà là, sur le pardon, on a l'impression qu'il reproche au pardon d'être de mauvaise foi. Celui qui pardonne est de mauvaise foi parce qu'il se sent supérieur à celui qui a commis la faute et au lieu de le pardonner, finalement, il le pardonne pour montrer qu'il est supérieur encore à celui qui est en faute. Exactement. Et là, je pense qu'il a vraiment exactement mis le doigt sur ce qui est le cœur de l'évangile et qui n'est pas du tout la chrétienté, justement. Et justement, il fait cette critique très kierkegaardienne de la chrétienté au nom de l'évangile. Mais juste un petit point que je trouve très important dans ce qu'il dit, c'est que, d'une certaine manière, il y a des gens qui n'ont que le pardon à la bouche, mais qu'en fait, qui ne vont jamais le pratiquer, ou qui vont le pratiquer de cette manière, on va dire, hautaine, qui est le contraire de l'esprit du pardon. Donc c'est « je te pardonne, mais je n'oublie rien ». Ah, je n'oublie rien, mais je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer au centuple. Bon. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont parlent pas de pardon, et justement, qui n'ont pas cette culture chrétienne du pardon et qui vont pardonner. Donc c'est un petit coup de pied là de côté qui est assez sympathique à vrai dire, je trouve. Ce que je trouve très fort dans ce que je viens d'entendre, que je connaissais pas, hein, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, c'est que là il rejoint un aperçu qu'on trouve formulé chez Hannah Arendt dans le chapitre sur la promesse et le pardon dans la condition de l'homme moderne, sur le chapitre sur l'action, où elle dit en fait la grande découverte de Jésus, qui a été complètement oubliée, c'est à l'encontre d'une conception régalienne de la grâce, du pardon qui vient d'en haut, qui est le pardon du roi, hein, et dans lequel seul Dieu peut pardonner, et comme seul le roi peut pardonner, et comme seul le chef peut pardonner, ou enfin comme il y a une sorte de verticalité hiérarchique dans laquelle le pardon serait une sorte de grâce. Non, Jésus dit, le pardon appartient à tout le monde. Vous avez tous le pouvoir. Vous avez tous le pouvoir de délier. Et vous avez tous le pouvoir de lier. C'est les mots mêmes de Jésus. Hein, bon. Et Jésus, Arendt dit que Jésus fait une découverte aussi importante pour l'action que Socrate fait des découvertes pour la pensée. Elle dit ça, c'est assez amusant. Elle dit c'est pas du tout une découverte religieuse. C'est vraiment, il a réfléchi sur cette chose-là, sur ce pouvoir apparemment magique, enfin pas magique, dit-elle, justement miraculeux, en fait c'est un petit peu autre chose, de l'action, qui est le pardon, qui est la faculté que nous avons de nous délier les uns les autres. De nous délivrer. Et tous les humains ont ce pouvoir, dit-elle. Donc c'est une conception... je dirais anti-théologico-politique, si je veux dire, une conception extrêmement horizontale, universelle de ce pouvoir. Il me semble que c'est ce que dit Yankelevitch, mais qui suppose cette perception que nous sommes tous des humains. Oui, mais alors il faudrait distinguer un bon d'un mauvais pardon, parce que le pardon dont parle Yankelevitch est un pardon de supériorité, où là on se délie, mais pour dominer l'autre. Exactement. Alors que quand on se délie chez Hannah Arendt... Voilà, il y a ce pardon vertical, et puis il y a ce pardon qu'il disait à la fin de son propos, là, qui est un pardon, je dirais, parce que justement, je sais que c'est pas du tout parce que je suis supérieur, c'est parce que je sais que je suis comme toi, c'est justement parce que, en fait, nous pouvons échanger nos conditions d'une certaine manière. Nous partageons la même condition. Mais alors, est-ce que le pardon, on a entendu le texte de Ricoeur qui disait celui qui avait commis la faute et celui qui a subi la faute était libéré grâce au pardon, mais d'un autre côté, le pardon nous lie aussi à l'autre. C'est-à-dire que ça, c'est une manière. Alors il y a le mauvais pardon, comme dont parle Yankelevitch, qui va nous lier à l'autre de manière dans un rapport de domination. Et puis il y a aussi, on est liés les uns aux autres politiquement par des actes de pardon. Et c'est en ça tout à l'heure que je disais que peut-être le pardon était plus courant aujourd'hui parce que avec des actes affreux tels que les les attentats, tels aussi que les génocides et des mises en place de politiques collectives, on va instituer le pardon comme quelque chose de collectif et qui nous lie à l'autre plus qu'il ne nous délie. Voilà, alors là, il y a beaucoup de thèmes dans ce que c'est très riche ce que vous venez de dire, parce que d'une part, alors il y a le rapport entre lié et délié, qui est un rapport à la mémoire et à l'oubli. Ricoeur, justement, faisait une sorte de synthèse de Hannah Arendt en disant, voilà, pour pouvoir se lier par la promesse, il faut pouvoir se délier par le pardon. Il y a un lien entre la déliaison et la liaison. Pour pouvoir se lier librement, à nouveau, passer une sorte de nouveau pacte, hein, un nouveau, et donc c'est aussi politique, hein, bon, mais aussi un nouveau lien avec un autre, avec un proche, ça peut être amical, ça peut être conjugal, bon, eh bien il faut pouvoir se délier par le pardon. Il y a ce travail aussi de déliaison par rapport à l'irréparable du passé. Bon, donc il y a bien à la fois un travail de rupture avec le passé, avec une mauvaise mémoire, et aussi donc de sortir de l'oubli pour pouvoir tourner la page, oublier et passer vers le futur, un engagement. Et donc, il y a une mémoire de la promesse qu'on a tenue, qu'on a lancée et qu'on va tenir. Vous voyez, il y a tout un jeu là-dedans qui est très fort. Mais alors, la dimension politique que vous venez de pointer, elle est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus problématique, évidemment. Parce qu'il y a des politiques d'amnistie, de prescription, de pardon, d'une manière. Il faut réconcilier, il faut chercher à réconcilier. Et ces politiques de réconciliation, souvent, elles sont des manières aussi de faire taire le conflit. Elles sont des manières de faire taire le différent, de faire taire le tort. Voilà. Et donc ça, je trouve ça... là, ça demande un examen très, très, très soigneux, je dirais, des conditions de ces bah, par exemple, les commissions réconciliation, justice et réconciliation en Afrique du Sud, par exemple, où, justement, donc la formule, c'est une formule très intéressante. C'est, il faut reconnaître ses torts, et quand on a entièrement reconnu ses torts et entendu la plainte de l'autre, alors à ce moment-là, on est, amnistié. Donc c'est une justice qui est plutôt écouter la plainte et écouter la formulation, l'aveu du tort, et on ne punit pas à ce moment-là. Donc c'est pas tellement l'accent n'est pas mis sur la punition, mais sur la formulation du tort. C'est très bien, mais le risque à travers ça, c'est que on veut à tout prix réconcilier. C'est ça qui me gêne un petit peu dans la formule de Ricoeur, le pardon comme horizon commun de l'oubli, de la mémoire, de l'histoire même. Attention, c'est un horizon commun, mais c'est un horizon qui n'est pas si facile. C'est un horizon bancal, c'est un horizon lézardé. C'est pas le happy end, c'est pas le grand baiser final ou dans lequel tout le monde est réconcilié. Je pense pas d'ailleurs que Ricoeur le conçoive comme ça. Mais on pourrait le prendre comme ça, et ça c'est dangereux. Et là d'ailleurs, il y a une vieille femme qui vient dire à Desmond Tutu, qui est l'évêque anglican qui pilote les procès en Afrique du Sud, etc., et qui dit, mais attendez, c'est pas à vous de pardonner, c'est moi dont le mari est mort, donc s'il y a quelqu'un qui peut pardonner ici, c'est moi, il n'y a que moi. Et ça, c'est une scène très importante qui se passe là. Et puis, il faut aussi se demander, on va entendre un texte de Jean Kelevitch, là, beaucoup plus révolté, il faut aussi se demander si on a envie de pardonner. Peut-être la prescription aurait-elle moins d'importance si l'épuration en Allemagne même avait été plus complète et plus sincère, si l'on sentait plus de spontanéité, plus d'unanimité aussi, dans l'évocation de ces terribles souvenirs. Hélas, la disproportion entre le tragique de ces 4 années maudites et la bonne conscience stupéfiante des Allemands d'aujourd'hui sera sans doute l'une des plus amères dérisions de l'histoire. Que vient-on nous parler maintenant d'oubli et de pardon? Ceux pour qui les fusillés du Mont Valérien et les massacrés d'Oradour n'ont jamais beaucoup compté. Ceux pour qui il ne s'est rien passé de particulier entre 1940 et 1945, hormis quelques difficultés de ravitaillement, ceux-là étaient déjà réconciliés dès 1945 avec un occupant si correct. Le lendemain de l'armistice de 1945, ils avaient déjà oublié ce qu'ils ne tenaient nullement à se rappeler. Quand ils parlent du mur de la honte, vous avez compris qu'il s'agit du mur qui gêne les communications entre les deux Berlins. Ils n'ont pas connaissance du mur tragique qui enferma 500 000 condamnés à mort dans le ghetto de Varsovie. Le pardon? Mais il est un fait accompli depuis longtemps, à la faveur de l'indifférence, de la frivolité, de la superficialité générale. Il s'est inscrit aussitôt après la guerre dans le réarmement des malfaiteurs, dans la réhabilitation des malfaiteurs, dans l'inavouable complaisance à l'idéologie des malfaiteurs. Tout est déjà pardonné et liquidé. Il ne reste plus qu'à jumeler Oradour avec Munich. l'oubli avait déjà fait son œuvre avant la prescription. Après la prescription, l'oubli deviendrait en quelque sorte officiel et normatif. Quel texte, Olivier Abel, il est glaçant. Il est magnifique, il est très important. C'est à cause de ce texte, parce que je connaissais un peu Yankelevitch, que justement j'ai commencé le pardon, à étudier le pardon sous son aspect. Il y a des conditions du pardon. On peut pas bazarder le pardon, en faire une. Parce que justement, c'est ce que disait d'ailleurs Hannah Arendt par rapport à la stratégie des nazis. La stratégie des nazis, elle s'appuyait sur une conception théologique qu'on trouve d'ailleurs aussi chez Dostoïevski et chez Lévinas, c'est qu'on est tous coupables. Mais si on est tous coupables, Arendt se révoltait contre ça parce que justement, au nom du, tous les humains sont coupables, c'est une sorte de cette théologie implicite de tous coupables, du coup, personne ne l'est. Personne n'est coupable, du coup, voilà. Il n'y a plus de hiérarchie dans la responsabilité, dans la culpabilité, etc. D'ailleurs, Karl Jaspers aussi avait travaillé sur ces différents types de culpabilité, de responsabilité criminelle, politique, morale et même métaphysique. Voilà, bon, il y a des types de responsabilité différentes. Alors, je précise quand même que ce texte, il a été écrit en 1965. Alors, voilà. Il s'appelle L'Imprescriptible. C'est 20 ans après la fin de la guerre, c'est au ça. Moment où les crimes nazis sont susceptibles de tomber dans le régime de la prescription, c'est-à-dire d'être pardonnés et oubliés. Et ça, Jankelevitch ne le souhaite pas. Alors, d'une part, parce que l'oubli a déjà eu lieu, mais que le pardon serait un oubli officiel. Mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, Jankelevitch fait des textes sur le pardon. Beaucoup plus, je dirais, philosophique, beaucoup plus... De philosophie morale. Philosophie morale. Quotidienne, presque. D'ailleurs, avec beaucoup d'études sur le rapport entre le pardon et le temps, etc. Bon, très intéressant, mais je dirais très, très philosophique et très posé. Et puis soudain, plus tardivement, soudain, il y a ce cri qui sort. Et alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que plus proche on est du malheur, plus on crie, puis après ça s'apaise. Non, là, c'est le contraire. Et ça, je trouve ça très indicatif. Parce que je pense qu'il y a un temps, quand on sort des grands malheurs, il y a un temps pour déjà essayer de se reconstruire un peu. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a tendance à enfermer les fantômes dans le placard, si je puis dire. Et puis, il y a un temps où on se dit, mais attendez, les fantômes ne sont pas morts. Il y a un moment où les fantômes, il faut qu'ils sortent. Il y a un moment où il faut les laisser sortir. Il faut laisser surgir cette mémoire refoulée. Et c'est ça qui se passe avec Yankelevitch. Et donc, je pense que c'est important par rapport à la justice, si vous voulez. La justice humaine, toutes les justices, elles ont un délai de... la justice ne connaît pas l'imprescriptible. C'est pas juridique comme idée. Forcément, il y a un moment où la justice, elle veut la paix sociale. Elle veut la punition, la sanction, mais après, elle veut la paix sociale. Et donc, le rythme de la justice, c'est sanction, puis réétablissement de la paix. Mais ça ne se passe jamais comme ça, finalement, dans la conscience entre les hommes. Exactement. La dimension éthique, elle, est révoltée par... Elle est en contradiction avec la justice. Parce que, justement, ça peut se passer dans le sens inverse. C'est-à-dire, au début, il faut arrêter de punir, parce que la punition, ça pourrait être... C'est le vainqueur qui l'a fait, la punition. Donc, forcément, quelque part, il y a un moment, il faut arrêter les représailles. Donc, il y a un temps pour arrêter les représailles, pour suspendre. Et c'est ce qui se passe au moment de de l'édit de Nantes, où Henri IV dit « Maintenant, on ne parle plus du passé ». Ou bien à la fin de la guerre civile, Nicole Leroux dans La Cité divisée dit aussi la même chose. Et on sort de la guerre civile à Athènes en disant on ne parle plus du passé, on ne se reproche plus rien. On oublie tout. On oublie tout. Mais c'est un oubli méthodique, c'est un oubli, je dirais, pour juste arrêter le mal, pour arrêter le malheur. Donc il y a un temps pour oublier tout, entre guillemets oublier, pour dire on arrête d'en parler. Et puis il y a un second temps pour... au contraire, rouvrir la mémoire et pour dire ce qui s'est passé. Parce que sinon, c'est pas fini. Sinon, tant que c'est là, tant que ça n'a pas été dit, c'est pas fini. C'est ce que disait Nicole Leroux pour la guerre d'Algérie, c'est ce qui se passe pour la Turquie aujourd'hui par rapport au génocide arménien. Tant que ça n'a pas été formulé, c'est pas fini. Ça peut recommencer demain, ça peut recommencer aujourd'hui. Rien n'est fini. Mais il y a une différence entre, on l'entend bien à travers ce que vous dites, Olivier Abel, entre le temps du pardon, exactement, de l'oubli, et le temps des lois. L'oubli, le pardon ne sont pas liés à des lois. Et pourtant, Jankelevitch dit que la loi peut quand même entériner une forme d'oubli officiel. Oui, et c'est aussi la raison pour laquelle il s'est battu, il a été tête de ce combat, pour inscrire la possibilité juridique qu'il y ait de l'imprescriptible. C'est l'invention de cette catégorie de l'imprescriptible. Qui est complètement paradoxale. Qui est un paradoxe, juridiquement. Parce que la prescription est juridique, oui, par définition, et de l'imprescriptible, en faire une dimension juridique, est paradoxale. C'est une contradiction. L'imprescriptible est une notion anti-juridique. C'est une notion, c'est l'injection de force d'un concept éthique dans le juridique. Et ça, c'est un point très intéressant. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur le temps, parce que justement, il y a ce paradoxe. Normalement, le temps juridique, c'est le temps court de l'arrêt et le temps long de la paix sociale. Là, c'est l'inverse. Il y avait un temps pour arrêter, peut-être. Mais attendez, maintenant, ça suffit. On a suffisamment fait silence sur tout ça. Maintenant, qu'on voit qu'il y a quand même un travail de mémoire. D'où l'idée de devoir de mémoire. On doit quand même rendre justice à la mémoire des victimes. Et alors là, il s'agit de ne pas oublier. Il s'agit de ne pas oublier, mais de pardonner, ou on ne pardonne pas. Ou est-ce que l'imprescriptible et l'impardonnable sont similaires ? Ils sont sur la même scène. C'est ce que dit Derrida. On ne pardonne que l'impardonnable. Et là, de ce point de vue-là, c'est ça l'idée, c'est qu'ils sont sur la même scène. C'est-à-dire, en fait. Comment faut-il comprendre on ne pardonne que l'impardonnable? Ah oui, c'est très paradoxal. Oui, c'est très déridien. Ça, c'est typique de Derrida. Moi, je me suis beaucoup révolté contre ça. Je me suis beaucoup battu, justement, en disant, mais non, attendez, quand même, il y a des conditions, il y a une pragmatique du pardon. Justement, on peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand, etc. C'est pas. Parce que du coup, on accentue, justement, le côté dostoïevskien, le côté tout ou rien, on va dire, le côté sublime du pardon, le côté grâce, de la grâce du pardon. Voilà, le côté presque du coup théologico-politique. Je ne sais pas très bien comment il se débrouille avec ça finalement. Tandis que non, il y a des conditions. Je pense que voilà, il y a des conditions. Mais ce que je comprends, si vous voulez, c'est que quand on a affaire à des malheurs d'une telle ampleur, d'une telle profondeur, eh bien, d'une certaine manière, le pardon devient une sorte de comment dirais-je, de scène à laquelle on ne peut forcer personne. Donc c'est la scène du pardon, mais le pardon peut très bien être le non-pardon. Le pardon arrive là où il y a du non-pardon, là où du pardon, voilà, vous voyez, c'est là où il y a de l'impardonné. C'est parce qu'il y a de l'impardonné, c'est parce qu'il y a de l'impardonnable que parfois le pardon peut surgir. Mais c'est sur cette scène-là, sur laquelle il faut, en tout cas, c'est une butée sur laquelle il faut que la mémoire se lève, que la parole se lève, que le silence soit rompu, que l'œuvre de l'oubli comme usure et comme refoulement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien soit brisé, voilà, soit vraiment brisé. Oui, parce que la question qui se pose, c'est aussi, peut-on oublier sans pardonner? Alors là, ce serait vraiment le travail inverse. La question, on demandait, est-ce que pardonner c'est oublier? Mais on peut aussi oublier, le temps passe, le temps fait son œuvre, voilà. La loi n'intervient pas à ce moment-là en termes de prescription ou d'imprescription, mais on oublie et pourtant on n'a pas pardonné. Alors comment on arrive à oublier sans pardonner? Alors on va mourir simplement, et donc le problème. Oui, c'est... Non mais c'est horrible, c'est ça. Tout sera, comme disait Kundera, tout sera oublié, rien ne sera pardonné, tout sera oublié parce que tout sera enseveli par le temps. Et c'est contre ça que Yankelevitch se révolte en fait. C'est contre cette usure du temps, cette conception de l'entropie. Tout, on va vers l'indifférence. Tout coule. Tout, on va vers l'indifférence générale. Alors, d'une manière, l'image qui me vient, c'est l'image, vous prenez une page et vous la pliez, ça fait un pli, c'est ça, la mémoire c'est un pli, un souvenir c'est un pli. Bon, mais quand vous avez une page très vierge, que vous faites marquer bien un pli, alors là, on le retrouve tout de suite, le pli. Mais si vous le pliez deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, huit fois, dix fois, cent, mille fois, à la fin, vous avez une page toute froissée, vous savez, tous les plis sont tous très relatifs les uns aux autres. Finalement, il n'y a aucun pli. Le pli n'est pas effacé. Il est juste relatif. Il est là, mais il n'est plus vu. Il est parmi tellement d'autres plis. Il est tellement enseveli parmi les autres plis qu'il n'a plus aucune importance. Et je pense que c'est contre ça aussi qu'il y a ne pas pardonner, c'est ne pas oublier. Ne pas oublier, c'est ça. C'est de retrouver les plis, d'une certaine manière. Peut-être pour les... Peut-être pour... S'ils sont... Alors ça, c'est l'idée de la psychanalyse, c'est l'idée de Freud, c'est que si on les retrouve complètement, alors on s'en délivre. Parce que tant qu'on n'a pas fait ce travail de délivrance de la mémoire, eh bien on ne s'en souviendra pas, mais on va soi-même, à son tour, accomplir les mêmes actes, hein, dit Freud. Hein, c'est dans son travail sur la compulsion de répétition. Et c'est ça l'horreur, c'est ça le tragique. C'est que des victimes vont répéter le tort, vont refaire le mal. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être délivré du mal, d'une certaine manière. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses me paraissent inexplicables. Quand je regarde en arrière, Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi nous nous sommes engagés dans les tueries. Ça transgressait la nature d'une mère, la nature d'une maman. Grâce à Dieu, nos enfants sont très courageux. Ils ont traversé des moments difficiles. Ils nous ont vu nous vautrer là-dedans. En vérité, nos enfants ne devraient pas nous pardonner après avoir vu le mal qu'on a fait. Je m'appelle Mujawa Maria Immaculée. Je suis née en 1964. J'ai trois enfants. Contre l'irréversibilité du processus déclenché par l'action, le remède ne vient pas d'une autre faculté éventuellement supérieure. C'est l'une des virtualités de l'action elle-même. La rédemption possible de la situation d'irréversibilité, c'est la faculté de pardonner. Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. Ces deux facultés vont de pair. Celle du pardon sert à supprimer les actes du passé, dont les fautes sont suspendues comme l'épée de Damoclès au-dessus de chaque génération nouvelle. L'autre, qui consiste à se lier par des promesses, sert à disposer, dans cet océan d'incertitude qu'est l'avenir par définition, des îlots de sécurité, sans lesquels aucune continuité, sans même parler de durée, ne serait possible dans les relations des hommes entre eux. Si nous n'étions pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d'agir serait comme enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever. Nous resterions à jamais victimes de ces conséquences, pareils à l'apprenti sorcier qui, faute de formule magique, ne pouvait briser le charme. Si nous n'étions liés par des promesses, nous serions incapables de conserver nos identités. Nous serions condamnés à errer sans force et sans but, chacun dans les ténèbres de son cœur solitaire, pris dans les équivoques et contradictions de ce cœur, dans des ténèbres que rien ne peut dissiper, sinon la lumière que répand sur le domaine public la présence des autres qui confirme l'identité de l'homme qui promet et de l'homme qui accomplit. Olivia Abel, on a parlé de ce texte de Hannah Arendt, extrait de Conditions de l'homme moderne, qui date de 1958. C'est un texte dans lequel elle fait un parallèle entre la promesse, qui est une projection dans l'avenir, et le pardon, qui est une réconciliation avec le passé. Juste avant, on a entendu le témoignage très poignant de cette femme Hutu qui a participé au massacre contre les Tutsis, qui s'est mariée avec un Tutsi, dont les enfants sont Tutsis, et elle se demande si ses enfants vont lui pardonner. Et on se rend compte qu'il n'y a pas que la promesse qui se projette dans l'avenir, il y a aussi le pardon qui est une réconciliation pour l'avenir. Oui, c'est deux très beaux textes. Alors, le texte de Hannah Arendt, c'est comme tu dis, Yankelevitch, c'est des choses que je donne toujours à mes étudiants. C'est des textes, c'est des pages majeures, quoi, vraiment des très grandes. C'est tellement bien écrit, c'est-à-dire que chacun dans les ténèbres de son cœur solitaire, pris dans les équivoques et contradictions de ce cœur. Ah oui, elle est magnifique. Alors, quand elle dit ça, elle oppose, en gros, l'action rencontre deux, au bout du compte, deux sortes de problèmes. Le problème de l'irréversible, parce qu'une fois qu'on a fait quelque chose, c'est mêlé au cours du monde, on n'y peut plus rien, c'est fait, donc il y a de l'irréversible. Et en même temps, l'action rencontre tout le temps l'imprévisible, qui est aussi l'imprévisible des conséquences de l'action. J'ai fait quelque chose, mais ça devient autre chose que ce que je voulais. C'est comme je dis quelque chose, c'est pris autrement que ce que je voulais dire. Il y a des quiproquos, des équivoques. Donc, voilà. Donc on a affaire à ces deux phénomènes. Et le pardon est ce qui me permet de faire face à l'irréversible, à l'irréparable, qui va me permettre de sortir du caractère presque de sortilège fatal de mes actions passées. Et je dirais la promesse face à l'imprévisible de jeter un archipel de petits îlots dans un océan d'incertitude, dit-elle. C'est une image magnifique. Mais il me semble que derrière ça, ce qui me fait le rapprochement avec le premier témoignage qu'on a entendu, il y a la place à la fois pour le deuil et pour la naissance. Je veux dire, le pardon a à voir avec le deuil. Le pardon a à voir avec les morts. C'est-à-dire, on peut pas ensevelir, non seulement, il s'agit pas de, ici, il faut donner une sépulture aux morts. Ça veut dire, justement, il ne faut pas donner un coup de bulldozer sur le passé, sur ce qui a été. Parce que, au nom des nouveau-nés, au nom de la naissance, et c'est très contemporain aujourd'hui, on peut, je dirais, liquider le passé, on peut écrabouiller le passé, on peut le réécrire à volonté. Le passé n'a aucune résistance face à la puissance aujourd'hui du présent. Nous avons des moyens, je dirais, aujourd'hui, notamment avec la révolution numérique, je dirais, de faire disparaître des traces, de les remasteriser, de les... Nous avons une puissance à l'égard... Vous parliez de plis tout à l'heure, ouais, on peut effectivement noyer un premier pli sous des multitudes de plis. On peut même vraiment donner un grand coup de bulldozer qui jette complètement le passé. Il n'y a plus de passé. Hein. C'est une tentation extrêmement forte de notre présentisme, hein, je dirais. Notre présent est extrêmement puissant. Et on n'a jamais été si puissant dans notre capacité de manipuler le passé. On pourrait en parler longtemps, c'est un sujet important. Donc, il faut faire place au deuil, c'est-à-dire place à ceux qui ont été, à ce qui a été. Faire place à ce qu'on a besoin du passé. Et on a besoin qu'il nous résiste. Et qu'il résiste même aux nouveau-nés, à la naissance. Mais on a besoin aussi de faire place à ceux qui arrivent, à ceux qui sont en train de naître. Faire place à la naissance, faire place à la promesse. Vous voyez, donc le pardon et la promesse sont en lien, un peu dans le sens qu'on disait tout à l'heure, entre délier le passé pour pouvoir se lier vers le futur, comme vous venez de dire, mais aussi plus amplement en lien avec le rapport de la vie humaine avec le deuil, avec les morts et avec l'avenir, c'est-à-dire avec les naissances. C'est comme s'il fallait se souvenir d'oublier, se souvenir de pardonner, se souvenir pour l'avenir de pardonner. Exactement. Il faut oublier pour un certain passé pour pouvoir se tourner vers un nouvel avenir, pour voir rouvrir dans le passé d'autres avenirs du passé, justement, rouvrir des promesses écrasées. Hein. Walter Benjamin aussi a beaucoup travaillé sur ces questions-là, Ricoeur aussi, sur la faculté que nous avons de rouvrir, et c'est ça le pardon, rouvrir d'autres avenirs du passé. Rouvrir dans le passé des promesses enfouies, dit-il, des promesses écrasées. Hein, rouvrir dans le passé des promesses à nouveau, hein, des promesses qu'on avait complètement écrabouillées. On a évoqué la dimension politique du pardon et politique de la promesse. C'est aussi le sens de ce texte d'Anna Arendt. Comment on peut, à une échelle collective, à une échelle politique, instaurer un pardon ou des promesses, dans la mesure où la mémoire de chacun, la douleur endurée, n'est pas forcément uniforme. Oui, c'est pas uniforme. En plus, il y a des décalages de génération, parce que les enfants des coupables ne sont pas coupables, alors que les enfants des victimes sont souvent encore victimes. Il y a du malheur qui se transmet. Il faut parfois plusieurs générations pour sortir d'un malheur, que ça se transmet. Bon. Donc il y a des décalages de toutes sortes. On croit être contemporain, mais en fait c'est très difficile d'être contemporain. Justement, tout le travail peut-être entre guillemets du pardon, dans toutes les significations très diverses et très embarrassées, je dirais, que nous avons explorées là, depuis tout à l'heure, c'est aussi peut-être une manière d'essayer de se rendre un peu plus contemporain les uns des autres, hein, on va dire. Bon. Mais donc, et c'est ça la politique, c'est être contemporain, c'est être ensemble, c'est être dans le même monde, un petit peu, d'essayer de... Mais comme vous disiez tout à l'heure, pour le commun dont parle Ricoeur, le pardon et l'oubli dessinent un horizon commun, mais c'est un commun lézardé. C'est un commun lézardé et c'est un commun qui doit se faire, dit Ricoeur lui-même, à travers un dissensus civique. Ça demande, c'est pas taisez-vous, il n'y a qu'une seule voix, au contraire ça demande du dissensus. C'est pour ça que je crois que c'est très important que, de la même manière qu'il y a eu une séparation de l'État et de l'Église, que c'est important qu'il y ait une séparation de l'État et de l'histoire. Parce qu'une certaine manière, il faut ouvrir un rapport à l'histoire pluraliste. Il n'y a pas une version officielle qui est forcément la version des vainqueurs. Aujourd'hui, on a un grand scepticisme à ce sujet-là. Et c'est ça l'idée de, je dirais, il y a une sorte de, une institution de la juste mémoire, c'est une institution de la pluralité des mémoires. C'est être capable de supporter une pluralité narrative, voilà. Et ça face à deux dangers. D'un côté, un excès de mémoire dans lequel on a des mémoires qui sont blessées ou des mémoires qui sont en compétition. Il y a aujourd'hui une compétition des mémoires. Oui, on parle de la concurrence des mémoires. Voilà, la concurrence des mémoires, une compétition. Et c'est moi la plus malheureuse, c'est moi qui ai été la plus brimée. Il y a une guerre des récits. des commémorations, puis des stocks d'informations, et qu'on peut, je disais tout à l'heure, remasteriser complètement. Bref, tous ces musées, toutes ces commémorations. Bon, il y a un excès de mémoire, mais qui est contemporain aussi d'un excès d'oubli. C'est parce qu'aussi, on est dans une société qui jette, une société qui a une capacité, justement, de présentisme. De présentisme. Même, alors, Kundera, que j'évoquais tout à l'heure, il parle d'orwellisation. C'est très fort. Il parle de la société tchèque, par exemple, qu'il a connue. Il dit on a orwellisé le passé. C'est-à-dire, en fait, oui, bien sûr, c'était un système totalitaire, mais dans ce système totalitaire, il y avait quand même des couples, il y avait quand même des amours, il y avait quand même des ronds-points sur lesquels on discutait. Pour les gilets jaunes. Et voilà, il peut se passer des choses, n'importe où, il peut se passer des choses heureuses, enfin, des choses dans lesquelles il y a un monde commun. Et donc, tout ça a été juste orwellisé. C'est-à-dire, en fait, tout est. Parce qu'il prend l'exemple de Kafka, il dit dans le procès de Kafka, c'est l'horreur, c'est l'absurde, mais oui, il y a soudain, en même temps, une jeune fille qui étend du linge, un homme pieds nus qui lit son journal. Il dit voilà, ça suffit à montrer qu'il y a encore de la réalité. Tandis que aujourd'hui, on est dans un rapport au passé qui est tout de suite soit complètement idéalisé, soit complètement orwellisé, ou dans un sens, tout était mauvais, quoi. Et du coup, il n'y a plus aucun appui possible sur un tel passé. But thanks for your time, then you can thank me for mine. And after that said, forget it. Don't be inane, there's no one to blame, no reason why you should stay here and lie to me. Don't say anymore, just walk out the door, I'll get along fine, you'll see. But thanks for your time, then you can thank me for mine. And after that said, forget it. If there was a word but magic's absurd, I'd make one dream come true. It didn't work out, but don't ever doubt how I felt about you. But thanks for your time, then you can thank me for mine. And down till that's said, forget it. Merci beaucoup Olivier Abel, merci de nous avoir parlé de pardon et oubli aujourd'hui. Je rappelle que l'on peut lire de vous, alors j'ai parlé de cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Le pardon, briser la dette et l'oubli, c'est aux éditions Autrement. Et puis plus récemment, Pierre Bayle, Les paradoxes politiques, c'est aux éditions Michalon, et Le oui de Paul Ricoeur aux éditions des Petits Platons. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure comme tous les jours de retrouver le journal de la philo, présenté cette semaine par Colomba Grossi. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Eh bien d'un ouvrage collectif dédié à Spinoza, qui s'intitule Spinoza et les passions du social, qui est publié aux éditions Amsterdam sous la direction de Frédéric Lordon, Eva Debré et Kim Sangong Van Kong. On y trouve une douzaine d'articles qui s'intéressent tous aux usages possibles de la philosophie de Spinoza en sciences sociales. Alors l'entreprise n'est pas entièrement nouvelle, puisqu'était déjà paru en 2008 un livre qui s'appelait Spinoza et les sciences sociales, toujours aux éditions Amsterdam, et qui croisait déjà philosophie et sociologie. Et donc ce pari de la transdisciplinarité est renouvelé cette année avec l'ouvrage dont je vous parle ce matin. Mais avant de vous parler du détail des articles qui sont réunis dans ce livre, je pense qu'il est nécessaire de s'arrêter deux minutes sur la pertinence du croisement entre philosophie et sociologie, qui en fait ne va pas vraiment de soi. Parce que si on se rappelle le début du propos de l'éthique, qui représente vraiment le cœur du système de Spinoza, on pourrait se dire qu'il s'agit d'abord et surtout d'un ouvrage de métaphysique. La preuve en est que si on ouvre l'éthique tout au début, on voit que les premières lignes et toute la première partie concernent Dieu, que Spinoza appelle aussi substance. Alors il faut préciser qu'il ne s'agit pas du tout d'un Dieu transcendant ou séparé des choses qu'il crée, à l'image du Dieu biblique, mais que pour Spinoza, Dieu désigne en fait l'intégralité de ce qui existe, la nature tout entière, dont l'homme n'est qu'une partie. Mais même après cette précision, on peut quand même se dire légitimement qu'un ouvrage qui commence par un ensemble de thèses sur Dieu a toutes les chances de relever uniquement du domaine métaphysique. Alors où se situe précisément ce point d'ancrage avec les sciences sociales ? Eh bien, il faut avancer un peu dans l'éthique vers la troisième et la quatrième partie, qui elles sont consacrées à l'étude des affects dont les hommes font l'expérience en société. Et la grande thèse qui gouverne ce moment du livre, c'est que l'individu humain est d'emblée un être social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Spinoza ne commence pas par se demander à quoi ressemblerait l'existence d'un homme isolé, qui n'aurait aucune relation avec d'autres individus, parce que ça, pour Spinoza, c'est une abstraction, ça n'existe pas. Le propre de l'individu humain, qui est seulement une partie de la nature, c'est d'être ouvert sur l'extérieur, et donc de ne pas pouvoir éviter les rencontres avec d'autres êtres. Et c'est là que le lien avec les sciences sociales devient plus évident, parce que dans ces deux parties, Spinoza montre que la vie pour les hommes est forcément collective, qu'elle est forcément sociale. Et donc d'un point de vue spinoziste, quand on étudie l'individu, il faut nécessairement prendre en compte son environnement social, parce que cet environnement agit sur lui. Je pense que nous sommes formés à l'intérieur d'un monde social. Et les possibles qui nous sont ouverts sont formés et contraints par les normes sociales au sein desquelles nous vivons. Et même si nous avons une certaine latitude, une certaine liberté, la liberté de nous créer nous-mêmes de façon nouvelle, inédite, c'est quand même toujours au milieu de contraintes. Et je crois qu'il ne faut pas perdre cela de vue. Alors la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Judith Butler, qui a participé à cet ouvrage collectif et qui insiste elle aussi sur le fait que l'homme n'est pas un empire dans un empire, comme le dit Spinoza, et qu'il ne peut pas décider de son existence en faisant abstraction de son environnement social. Il y a une dépendance réciproque des individus, que Butler appelle précarité, et qui signifie que toute vie humaine dépend de conditions sociales et politiques pour se maintenir. Et parfois ces conditions ne sont pas remplies, par exemple lorsque les normes qui organisent la société excluent ou oppriment certains individus. Donc pour les auteurs qui réfléchissent aux effets de la vie sociale sur l'individu, eh bien la réflexion de Spinoza peut servir d'outil. Que ce soit pour penser ce que Butler appelle la précarité de la vie en société, ou bien pour revenir sur d'autres problèmes qui se posent en sociologie, par exemple celui du déterminisme social. Je dirais que nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libres. Autrement dit, je pense que c'est à condition de s'approprier les instruments de pensée et aussi les objets de pensée que l'on reçoit sont le produit, que l'on peut devenir un tout petit peu le sujet de ses pensées. C'est-à-dire on ne naît pas le sujet de ses pensées, on devient le sujet de ses pensées à condition, entre autres choses, je pense qu'il y a d'autres instruments, il y a aussi la psychanalyse, etc., à condition de se réapproprier la connaissance des déterminismes. Alors plusieurs auteurs ont déjà souligné la proximité entre certains aspects de la pensée de Spinoza et celle de Bourdieu qu'on vient d'entendre, puisque tous les deux ont accordé énormément d'importance à la notion de déterminisme. Mais relire Bourdieu avec Spinoza permet d'aller encore plus loin, puisqu'on l'a entendu dans l'extrait, Bourdieu considère que ce déterminisme social n'est pas total, et qu'il reste tout de même une zone de liberté qui permettra à l'homme de faire ses propres choix sans être influencé par rien. Eh bien, les auteurs qui soutiennent qu'une telle liberté n'existe pas peuvent trouver chez Spinoza un allié utile, puisque l'une de ses grandes thèses est que rien dans la nature n'arrive sans une cause qui l'explique. Et c'est pour ça qu'on peut très bien faire un principe sociologique de la formule de Spinoza qui dit que si les hommes se croient libres, c'est simplement parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Merci beaucoup, Colomba. Quel est le titre de ce livre ? Ça s'appelle Spinoza et les passions du social et c'est publié chez Amsterdam. Merci beaucoup. Le journal de la philo est à retrouver et à réécouter sur le site de France Culture. Et merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Mathieu Tarpin, Adèle Vendrette bien sûr, Hélène Losseur à la lecture des textes, Thomas Beau à la réalisation avec à la prise de son Jean Frédérics. Rendez-vous demain pour la suite de notre semaine sur l'oubli et demain pour la dernière, on verra si le cinéma de René est un remède à l'oubli justement et ce sera avec Suzanne Liandraguig. Rendez-vous aussi sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour suivre nos programmes et avoir toutes les informations, bibliographies et références musicales de nos émissions.